Section 28 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 6, troisième partie. Concile de Bâle et de Florence, par Émile Chénon. La réforme de l'Église, décret et concordat de Martin V, 1418. Les décrets de Martin V sur la réforme de l'Église étaient depuis longtemps réclamés. Pendant l'exil de Babylone et le grand schisme d'Occident, il s'était introduit dans les mœurs du clergé de graves désordres et dans la collation des bénéfices de graves abus. D'une part, l'incontinence des clercs, que les grands papes des XIIe et XIIIe siècles avaient si énergiquement combattu, avait reparu, à tel point que certains évêques proposaient comme remède l'abolition du célibat ecclésiastique, et qu'égarés par le mauvais exemple, beaucoup de chrétiens en étaient arrivés à ne plus considérer la fornication simple comme un péché mortel. Synode de Paris, 1429. D'autre part, les principales fonctions ecclésiastiques étaient devenues l'apanage des cadets des familles nobles, que leur naissance dispensait de science et de vertu. Au XIVe et XVe siècle, l'épiscopat et la plupart des chapitres cathédraux étaient fermés en fait aux roturiers, surtout en Allemagne et en France. Pour obtenir un bénéfice, on recourait à des pratiques simoniaques qui n'étaient plus réprimées. Le bénéfice obtenu, on s'occupait beaucoup plus d'en percevoir les revenus que d'en accomplir les obligations. La résidence dès lors était inutile, on s'en abstenait. La règle qui interdisait le cumul des évêchés et des cures était souvent violée. Les commandes devenaient fréquentes. Les papes, aux prises avec les difficultés du schisme, laissaient faire ou donnaient eux-mêmes le mauvais exemple. Pour soutenir la lutte, se créer des partisans, ou simplement pour subvenir au luxe de leur cour ou enrichir leur famille, à un moment où les circonstances avaient restreint leurs ressources, ils levaient, comme jadis, des décimes sur les églises, décimes de plus en plus fréquents, ou s'arrogeaient à l'égard des bénéficiaires des droits de plus en plus lourds. Déjà, par les provisions, les mandats apostoliques et les réserves, les souverains pontifes s'étaient attribués une part notable dans les nominations aux charges des diocèses étrangers. Cette part devait augmenter. La réserve relative aux bénéfices vacants en cour de Rome fut étendue par Boniface VIII à tous les bénéfices venant à vaquer dans un rayon de 2 jours de voyage et par Jean XXII et Boniface XII à tous ceux que le pape contribuerait à rendre libres, soit en déposant ou déplaçant les titulaires, soit par tout autre moyen. Clément V réclama les revenus des bénéfices pendant la vacance, fructus medii temporis. Enfin, le pape exigea de tous les nouveaux titulaires le paiement d'un droit de mutation analogue au relief des fiefs et connu sous le nom d'anate, parce qu'il était ordinairement fixé au revenu du bénéfice pendant 1 an. Toutes ces charges nouvelles avaient été assez mal accueillies, mais sauf en Angleterre, où un statut spécial vint limiter dès 1351 les pouvoirs du pape à l'égard des bénéfices. Ils furent en fait assez longtemps supportés. Pendant le schisme, tout cela s'était aggravé. Au début du XVe siècle, la réforme de l'Église, tant au point de vue moral qu'au point de vue administratif, avait pris un caractère d'urgence très prononcé. Tout le monde l'avouait. Les fidèles répétaient partout, comme un mot d'ordre, qu'il fallait réformer l'Église dans son chef et dans ses membres. Il capite et in membris. Quelques tentatives isolées avaient eu lieu sans succès lorsque s'ouvrit le concile de Pise, 1409. Il était résolu à agir. Il dut se disperser avant d'avoir rien fait et renvoyer la grande œuvre à une prochaine assemblée. Cette assemblée fut le Concile de Rome, 1412-1413, qui, peu nombreux et privés de l'autorité nécessaire, ne pouvait aboutir à rien. Cependant, les prédicateurs et les écrivains ecclésiastiques les plus remarquables ne se lassaient pas de traiter la question, et avec une grande vivacité. Par exemple, Henri de Liechtenstein, dès 1381, Alphonse Tostati, chancelier de Castille, Saint Antonin, archevêque de Florence, Saint Vincent Ferrier, Pierre d'Ailly, Gerson, Nicolas de Clémingis, Thierry de Nième et bien d'autres. C'est dans ces circonstances que Martin V promulgua au Concile de Constance les décrets dont nous avons parlé. Ces décrets ne répondirent qu'en partie aux espérances qu'on en avait conçues. Ils étaient en eux-mêmes excellents, mais ils étaient incomplets. Ils se bornaient en effet à supprimer les exemptions, dispenses et unions de bénéfices accordées pendant le schisme, à interdire la simonie, à limiter la levée des décimes par le pape, qui renonçait en outre au fructus medii temporis, enfin à renouveler les anciennes prescriptions de l'Église relatives aux vêtements, à la tonsure, au train de vie des clercs. À la suite de ces décrets, Martin V conclut, avec les principales nations représentées au Concile de Constance, l'Allemagne et la France pour une durée de 5 ans, et l'Angleterre pour une durée illimitée, des concordats particuliers. Ces concordats remédiaient à quelques autres abus et tranchaient notamment la question des annales, des appels à Rome, des provisions, des indulgences. Mai et juillet 1418. Tout cela était insuffisant et ne constituait pas une véritable réforme. Le Concile l'avait si bien compris qu'avant de se séparer, il avait décidé la tenue périodique de conciles œcuméniques chargés de terminer l'œuvre restée inachevée. Le premier de ces conciles devait se réunir à Pavie en 1423. Martin V l'ouvrit en effet à cette date, mais le concile, bientôt transféré à Sienne à cause de la peste, était peu nombreux, et les dissidences au sujet de la réforme y furent telles qu'il se sépara sans avoir pris sur ce point aucune décision. Il avait seulement renouvelé la condamnation des erreurs de Wycliffe et de Jean Hus et formé des vœux pour le retour des Grecs à l'unité, question qui était redevenue actuelle. Cet insuccès refroidit le zèle de Martin V, qui resta près de 8 ans sans agir. Cédant enfin aux sollicitations des princes et à l'opinion populaire, il convoqua à Bâle, ville impériale, un nouveau concile général, dont il délégua la présidence au cardinal Julien Cesarini. Il mourut avant l'ouverture, le 20 février 1431. Ouverture du concile de Bâle, 1431. Premier conflit avec Eugène IV. C'est à son successeur, Eugène IV, neveu de Grégoire XII, qu'incombait la lourde charge de réunir le concile. Les débuts furent lents. Au jour fixé pour l'ouverture, 23 juillet 1431, personne n'était arrivé, à l'exception de l'abbé de Vézelay, Bourgogne. Le cardinal Cesarini, lui-même, était retenu en Bohême par l'affaire des Hussites. Il envoya 2 plénipotentiaires pour le remplacer et ne fit son entrée à Bâle qu'au mois de septembre. Dans l'intervalle, certains membres du concile avaient fait savoir au pape qu'il n'était point en sûreté à Bâle à cause de la guerre alors pendante entre Philippe de Bourgogne et Frédéric d'Autriche, à cause aussi des troubles suscités par les progrès de l'hérésie hussite qui avait pénétré dans la contrée. D'un autre côté, le pape était en pourparlers avec les Grecs, qui manifestaient un désir en apparence sincère de revenir à l'unité, et demandaient la tenue d'un concile dans une ville d'Italie, plus accessible pour eux que ne l'était Bâle. Ces 2 motifs déterminèrent Eugère IV à suspendre le concile dès son début et à en convoquer un autre à Bologne, auquel les Grecs seraient invités à prendre part. Mais il mit trop de temps à réaliser ce projet, et lorsqu'il se décida à dissoudre le concile de Bâle le 18 décembre 1431, celui-ci avait déjà tenu, sous la présidence de Cesarini, sa première section générale, 14 décembre. Il s'était déclaré légitimement réuni et avait proclamé le triple but qu'il voulait poursuivre. Réforme de l'Église, in capite et in membris, extirpation de l'hérésie hussite, cessation du schisme grec. Les hussites, qui avaient fait appel du pape au concile, furent en effet cités à comparaître. Quand la bulle de dissolution arriva à Bâle au mois de janvier 1432, elle produisit une vive irritation parmi les pères du concile. Cesarini, qui avait d'abord conseillé la dissolution, s'y montrait maintenant opposé. Il envoya représenter au pape qu'il y aurait des inconvénients graves à ne pas continuer le concile dans la ville où il s'était ouvert. Il était à craindre, notamment, que les fidèles et les hérétiques ne fussent d'accord pour accuser le pape, les premiers de vouloir éluder la réforme, les seconds de vouloir éluder la discussion. Le concile adressait en outre à toute la chrétienté une sorte d'encyclique où il se disait résolu à terminer l'œuvre commencée. L'opposition des pères, à ce moment, procédait évidemment d'une bonne intention, ce qui explique l'approbation donnée tout d'abord à leur attitude. Les évêques de France, réunis à Bourges, envoyèrent leur adhésion. Les princes, et plus particulièrement l'empereur Sigismond, promirent leur appui. Eugène IV résista. Le 15 février 1432, dans sa seconde session générale, où ne figuraient que 14 évêques, le concile reproduisit les décrets de Constance concernant la supériorité des conciles généraux sur le souverain pontife. Le 29 avril, il somma Eugène IV de révoquer sa bulle et de comparaître à Bâle. La révolte contre l'autorité pontificale était donc complète. Le cardinal Cesarini dut abandonner la présidence du concile, dont l'animosité contre Eugène IV allait croissant, malgré l'intervention de Sigismond, qui désirait l'union pour en finir avec les hussites. À la 7e session, le concile fixe au pape un délai de 60 jours pour révoquer sa bulle. À la 10e, il le déclare désobéissant et opiniâtre, 19 février 1433. En présence de cette attitude passionnée, Eugène IV, dont la situation à Rome devenait d'ailleurs périlleuse, céda. Il révoqua d'abord le décret de dissolution, puis finit par souscrire une formule rédigée par les pères du concile eux-mêmes et par laquelle ils reconnaissaient la légitimité de leur réunion. À ce prix, les légats purent reprendre la présidence du concile, qui révoqua à son tour tous les actes dirigés contre la personne et la dignité du pape. 5 février 1434. Ces premiers actes du concile de Bâle n'avaient pas été inspirés seulement par les circonstances. Ils étaient inspirés aussi par une doctrine particulière sur les rapports du Saint-Siège et des conciles généraux, doctrine qu'on trouve développée dans un ouvrage célèbre publié en 1433 par l'un des plus subtils théologiens du concile, Nicolas de Cusa, alors doyen de la collégiale Saint-Florent de Koblenz, sous ce titre « De Concordia Catholica, Libri 13 ». Nicolas de Cusa, qui devait plus tard désavouer ses doctrines et devenir cardinal, 1448, et légat du Saint-Siège à Constantinople et en Allemagne, soutenait en 1433 que le privilège de l'infaillibilité ayant été donné par le Christ à toute l'Église ne pouvait appartenir qu'au concile œcuménique qui représente toute l'Église, et non au pontife romain qui n'en est qu'un membre. Que les canons du concile œcuménique sont obligatoires pour tous les fidèles sans exception. Que les décrets du pape ne le sont qu'à condition d'être universellement acceptés. Et qu'enfin, le concile œcuménique est supérieur au pape et a par suite le droit de le déposer, non seulement s'il s'attache à une hérésie condamnée, mais encore pour une faute quelconque. Toutefois, par une contradiction singulière dans son système, Nicolas de Cusa reconnaissait au pape le pouvoir de dispenser de l'observation des canons des conciles généraux sous la condition de prendre l'avis des cardinaux. Ces idées n'étaient en somme que le reflet des théories adoptées par le concile de Constance. Elles soulèvent par suite les mêmes objections. Nicolas de Cusa, qui recourt volontiers aux arguments historiques, prétend que les papes les plus éminents avaient formellement reconnu la supériorité des conciles œcuméniques. Il semblait mettre ainsi cette doctrine erronée sous le patronage du Saint-Siège. Cette assertion était contraire aux faits. 15 ans auparavant, au moment de clore le concile de Constance, le pape Martin V, répondant aux Polonais qui lui demandaient de censurer un écrit injurieux pour eux du Prussien Falkenberg, religieux dominicain, avait formellement déclaré que personne n'avait le droit d'en appeler du Saint-Siège apostolique ni de rejeter ses décisions en matière de foi. Martin V refusait ainsi par avance le traité de Nicolas de Cusa, les décrets du Concile de Bâle et tous les documents futurs qui devaient s'en inspirer, tels que la pragmatique de Bourges et la déclaration gallicane de 1682. Second conflit, dissolution et résistance du Concile. L'accord, rétabli entre Eugène IV et le Concile de Bâle, ne devait durer que 2 ans, 1434-1435. Pendant ce temps, le Concile trancha la question des Hussites et promulgua d'énergiques décrets de réforme dirigés contre le concubinage des clercs, les désordres qui s'étaient glissés çà et là dans le culte, fêtes des fous, etc., les interdits généraux prononcés pour des fautes particulières, les appels trop fréquents en cour de Rome, etc. Le Concile ordonnait en outre la célébration régulière des synodes diocésains et des conciles provinciaux qui abolissaient l'impôt des adates, malgré l'opposition très nette de Nicolas de Cusa, qui commençait à s'inquiéter des conséquences imprévues de ses doctrines. Cette dernière mesure émut Eugène IV, dont une des principales ressources se trouvait par là supprimée. Il fit des observations qui furent mal accueillies. Le sentiment des pères du Concile n'avait guère changé. Plusieurs d'entre eux, pénétrés de leur importance et convaincus de leur force, depuis la rétractation qu'ils avaient arrachée à Eugène IV, étaient très absolus dans leurs idées et très enclins à affaiblir l'autorité du Saint-Siège. Aussi, persévérant dans la voie où il était entré, le Concile décida encore d'abolir les réserves pontificales et d'imposer à l'avenir au pape un serment d'adhésion au décret de Constance sur la supériorité des conciles œcuméniques. 25 mars 1436. Eugène IV, après avoir vainement essayé de ramener les pères de Bâle à la modération, envoya au chef d'État une encyclique où il se plaignait des atteintes portées à ses prérogatives par un concile qui aspirait évidemment à gouverner l'Église à sa place et dont la prolongation indéfinie n'était plus justifiée par les circonstances. En conséquence, il annonçait son intention de le dissoudre, d'autant mieux qu'il avait réussi dans ses négociations avec les Grecs et que ces derniers réclamaient toujours la tenue d'un concile en Italie. En attendant, il rappela les légats qui le représentaient à Bâle. Cette décision acheva de mettre le trouble dans l'assemblée. Elle était déjà divisée en 2 parties. Celui des exaltés, dominé par l'archevêque d'Arles, était décidé à poursuivre son œuvre quoi qu'il arrivât. Celui des modérés s'effrayait de la tournure que prenaient les choses et, craignant le retour du schisme, abandonnait peu à peu le concile, en sorte qu'à la 24e session générale, il n'y avait plus que 10 évêques et 23 abbés présents. La division s'accentua encore lorsque Jean d'Isipate, ambassadeur grec, fut venu exposer à Bâle les vœux de l'empereur et du clergé d'Orient relativement à la tenue d'un concile d'union dans une ville autre que Bâle. La minorité du concile se prononça pour Florence ou quelque autre ville de l'Italie. La majorité, redoutant l'influence du pape en Italie, se prononça pour Avignon, 7 mai 1437. Eugène IV se conforma à l'avis plus sage de la minorité et désigna Ferrare, 29 mai. Le parti exalté ne garda plus alors aucune mesure. Le pape fut accusé de crimes imaginaires, sommé de comparaître avec ses cardinaux dans les 60 jours, 31 juillet, et finalement déclaré contumax, 1er octobre. Mais déjà, Eugène IV avait pris les devants, et par la bulle Docteur Gentium, 18 septembre, il avait transféré le concile à Ferrare. Canoniquement, le concile de Bâle cessait d'être œcuménique et même légitimement réuni. Il n'était plus, selon le langage des théologiens, qu'un conciliabule. Il persista cependant pendant 10 années encore dans son opposition au Saint-Siège. Mais ses adhérents diminuaient de jour en jour, tandis que le concile de Ferrare gagnait au contraire en importance par le nombre et l'autorité de ses membres. La situation n'en était pas moins fort compliquée. Entre les deux conciles, comme jadis entre les deux papes, les princes se partageaient. Les uns, par exemple le roi d'Aragon et le duc de Milan, soutenaient le concile de Bâle. D'autres, comme le roi d'Angleterre, se rangeaient du côté d'Eugène IV. La France et l'Allemagne gardèrent quelque temps la neutralité qu'il était de plus en plus difficile de maintenir en présence des excès auxquels se livraient à Bâle les prélats dissidents. Après avoir repoussé une tentative de conciliation faite dès le début par les pères de Ferrare, ceux de Bâle avaient suspendu Eugène IV de ses fonctions. 24 janvier 1438. Proclamer le concile de Ferrare un conciliabule schismatique et citer ses membres à comparaître à Bâle, 24 mars. Tout cela produisit une réaction défavorable aux Bâlois. Le duc de Bavière leur déclara la guerre. Le roi d'Angleterre leur adressa de violents reproches. En France, le roi Charles VII défendait encore aux évêques français d'assister au concile de Ferrare. Mais, au mois de mai, il les réunit dans la Sainte-Chapelle de Bourges avec les membres de son conseil et là procéda avec eux à une révision des décrets du concile de Bâle. 23 d'entre eux, notamment ceux qui limitaient les pouvoirs du pape sur les diocèses étrangers, et augmentaient d'autant par là les pouvoirs du roi, furent déclarés applicables en France par une ordonnance royale que le Saint-Siège refusa toujours d'accepter et qui est connue dans l'histoire sous le nom de pragmatique sanction de Bourges, juillet 1438. En même temps, l'Assemblée priait le roi d'intervenir pour le rétablissement de l'union entre les pères de Bâle et ceux de Ferrare. En Allemagne, l'empereur Albert II s'était d'abord déclaré neutre, mars 1438. Mais au mois de mars 1439, suivant l'exemple de Charles VII, il réunit une diète à Mayence pour délibérer sur les actes du concile de Bâle. La diète accepta la plupart des décrets du concile, tout en protestant contre son attitude à l'égard d'Eugène IV, éloquemment défendu par Nicolas de Cusa et le dominicain espagnol Jean de Torquemada. Déclarations de guerre, protestations, tentatives de conciliation demeurèrent inutiles. Les Bâlois changèrent seulement de tactique. Pour mettre l'apparence du droit de leur côté, ils votèrent dans une session fort orageuse, 16 mai 1439, 3 articles ainsi conçus. 1. C'est une vérité de foi catholique que le Saint-Concile général a puissance sur le pape et sur tout homme. 2. C'est également une vérité de foi qu'un concile général, légitimement réuni, ne peut être sans son propre consentement, ni dissous, ni transféré, ni prorogé par le pontife romain. 3. Celui qui s'oppose avec obstination à ces vérités doit être déclaré hérétique. Cela posé, il était évident que le pape Eugène IV, s'obstinant notoirement contre ces vérités, était convaincu d'hérésie. Le concile procéda immédiatement à sa déposition, signée par 7 évêques seulement, 26 juin, et nomma le 8 juillet un antipape dans la personne du duc Amédée de Savoie, qui avait abdiqué en faveur de son fils et vivait alors dans l'ermitage de Ripaille, au bord du lac de Genève. Amédée prit le nom de Félix V, fut reconnu par la Savoie, l'Aragon, la Hongrie et quelques princes allemands, mais se vit liguer contre lui les grandes puissances. Charles VII, qui avait réuni une seconde fois le clergé de France à Bourges, juin 1439, se prononça avec toute l'assemblée en faveur d'Eugène IV, manifestant seulement le vœu qu'on réunit prochainement un nouveau consul œcuménique pour faire disparaître les dernières traces des dissensions religieuses. L'adhésion de la France entraîna peu à peu celle de la plupart des autres États. En attendant, les membres les plus éminents du concile de Bâle, Cesarini, Nicolas de Cusa, Aeneas Silvius Piccolomini, secrétaire du concile, se prononcent contre lui. Félix V, dont le concile prétendait diriger les actions, se retire mécontent à Lausanne. En 1443, le pape Eugène IV rentre à Rome, dont il avait dû s'enfuir 9 ans auparavant, chassé par l'émeute. La même année, l'Écosse et l'Aragon se rangent sous son obédience. En 1445, l'empereur Frédéric III fait alliance avec lui. Le parti des Valois était partout déserté. Concile de Ferrare, Florence, 1438-1445, réunion de l'Église grecque. Pendant ce temps, que devenait le concile de Ferrare? Il s'était ouvert le 8 janvier 1438 et après avoir annulé les actes du concile de Bâle à dater de la 24e session, c'est-à-dire à dater du jour où le pape s'en était séparé, il s'était occupé de l'importante question qui avait motivé sa réunion, à savoir le rétablissement de l'union avec l'Église grecque. Cette union avait été réalisée une première fois au deuxième concile œcuménique de Lyon, 1274. Les Grecs avaient alors accepté l'insertion dans le symbole du mot « filioque », reconnu la primauté du pape et admis les appels à Rome, demandant seulement le maintien de leur liturgie. C'était moins la foi qu'une raison politique qui avait rapproché les Grecs de l'Église romaine. Aussi, fondé sur une pareille base, l'accord ne pouvait être que fragile. Dès 1281, le pape Martin IV accusait Michel Paléologue de favoriser le schisme et l'hérésie. Et l'empereur rayait le nom du pape des diptyques. En 1282, son fils, Andronique II, consommait ouvertement la rupture et rappelait le patriarche schismatique de Constantinople, déposé après le concile de Lyon. Au XIVe siècle, les progrès constants des Turcs avaient déterminé Andronique III et Jean V Paléologue à renouer les négociations. Andronique III avait envoyé en Occident le moine Barlaam, qui proposa à Benoît XII de réunir les deux églises sous son autorité, sans qu'aucune d'elles abdiquât les croyances qui les divisaient. Une pareille proposition était inadmissible. 1339. Jean V était allé plus loin. Il était venu trouver lui-même à Rome le pape Urbain V et avait personnellement abjuré le schisme. 1369. Mais ni le peuple ni le clergé grec n'avaient suivi son exemple. Il avait fallu l'aggravation du péril turc et l'espoir d'obtenir des secours de l'Occident pour amener les Grecs à d'autres sentiments et décider l'empereur Jean VIII Paléologue à faire aux papes Martin V et Eugène IV de nouvelles ouvertures. Cette fois, les Grecs paraissaient sincères. Eugène IV envoya à Constantinople, en 1435, Nicolas de Cusa, qui entra en pourparlers avec le patriarche Joseph et l'intelligent archevêque de Nicée, Bessarion, l'un des maîtres de l'hellénisme platonicien. Il fut entendu qu'un concile, auquel les Grecs assisteraient, serait réuni dans une ville d'Italie pour régler les conditions de l'union. Ce fut le concile de Ferrare, 1438. Environ 700 Grecs, à la tête desquels était le patriarche de Constantinople et l'empereur lui-même, se présentèrent au concile. On perdit d'abord un temps précieux à de longues et insipides disputes de préséance, puis on aborda le fond de la question. Les conférences furent laborieuses. Les Grecs éludèrent longtemps la discussion sur les divergences de doctrine, et les débats étaient fort peu avancés encore, lorsque le concile fut transféré à Florence, 1439. Là, on poursuivit la discussion sur le filioque, le purgatoire, la formule de la consécration et l'emploi des azymes dans le sacrement de l'Eucharistie, et enfin la primauté du pape. Sur les premiers points, on se mit assez facilement d'accord. Mais sur la question de la primauté, la discussion fut très vive. La primauté du pape fut principalement défendue, du côté des latins, par Jean de Torquemada et Jean de Raguse, secondés par Bessarion, et attaqués, du côté des Grecs, par Marc Evgenikos, métropolitain d'Éphèse, et Antoine, archevêque d'Héraclée. Les Grecs étaient dans une situation trop précaire pour refuser longtemps de souscrire à la doctrine de l'Église d'Occident sur un point aussi capital. Et tous, sauf Marc Evgenikos, finirent par l'accepter. Le 6 juillet 1439, le cardinal Cesarini, l'ancien président du Concile de Bâle, lut en latin et Bessarion en grec le symbole arrêté en commun, et le pape Eugène IV le sanctionna par la bulle Letentur Coeli. Le but du concile était atteint, et les Grecs se retirèrent, mais peu enthousiastes. Revenus dans leur patrie, les intrigues de Marc Evgenikos et la déception qu'ils éprouvèrent en ne recevant pas les secours qu'ils avaient espérés les empêchèrent pendant longtemps de promulguer le symbole de Florence. Dès 1443, les patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, dont les députés seuls avaient paru au concile, abandonnèrent la communion de Rome. L'empereur Jean Paléologue en fit autant en 1448, peu avant sa mort. Il fallut l'insistance du légat de Nicolas V pour obtenir de Constantin XII le rétablissement de l'accord. La fête de l'Union fut enfin célébrée à Sainte-Sophie le 12 décembre 1452. 6 mois plus tard, Constantinople était aux mains des Turcs, Sainte-Sophie transformée en mosquée et un patriarche anti-romain élevé sur le siège de Constantinople. Dans ces conditions, l'Union devait encore une fois être éphémère. Un synode réuni à Constantinople la rompit en 1472. Après le départ des Grecs, le Concile de Florence, transféré aux Latrans en 1443 lors de la rentrée d'Eugène IV à Rome, s'occupa de la réunion des autres communautés chrétiennes d'Orient. Les Arméniens, déjà ralliés à 1145, renouvelèrent leur soumission en 1435 sous la seule condition de garder leur liturgie. Leur exemple fut suivi par les Jacobites d'Égypte et d'Éthiopie en 1442, par les Monophysites de Mésopotamie en 1444, par une partie des Chaldéens nestoriens et les Maronites de l'île de Chypre en 1445. Les autres Maronites avaient été convertis à l'Union pendant les Croisades, 1182. La réunion de 1445 est la dernière sur laquelle nous ayons des renseignements. Elle fut, selon toute vraisemblance, l'un des derniers actes du Concile de Florence. Ce concile, qui avait beaucoup fait pour le retour à l'unité des églises dissidentes d'Orient, paralysé en quelque sorte par la lutte avec le Concile de Bâle, n'avait rien fait pour la réforme de l'Église d'Occident. Les concordats allemands, la fin du schisme de Bâle, 1449. La question de la réforme restait donc entière, et si quelques princes, notamment les archevêques électeurs de Trèves et de Cologne, soutenaient encore le Concile de Bâle, le désir de la voir aboutir pouvait expliquer leur attitude. Il explique aussi la conclusion des concordats allemands qui suivit de près la clôture du Conseil de Florence. Voici dans quelles circonstances ils furent signés. En 1445, Eugène IV, fort des succès diplomatiques et religieux qu'il venait de remporter en scellant l'union des Grecs et en rentrant à Rome, avait déposé les archevêques de Trèves et de Cologne comme partisans de l'antipape. Par cet acte de vigueur, il avait indisposé la plupart des princes allemands qui, à la diète tenue à Francfort-sur-le-Main en 1446, manifestèrent des dispositions hostiles. Il fallut traiter. À la suite des négociations habilement menées par Enas Silvius, Thomas de Sarzano, archevêque de Bologne, Nicolas de Cusa et l'Espagnol Carvajal, les princes électeurs finirent par proposer à Eugène IV un concordat. Ce concordat, dit concordat des princes, stipulait l'abandon des anates, la liberté des élections épiscopales et abbatiales, la limitation des appels à Rome, la réintégration des archevêques de Trèves et de Cologne, et enfin, la reconnaissance des décrets du Concile de Constance sur la supériorité des conciles généraux. Malgré la protestation d'un certain nombre de cardinaux, qui trouvaient les concessions exigées trop grandes, Eugène IV les ratifia sur son lit de mort, en ajoutant toutefois à son acceptation des décrets de Constance cette clause restrictive. Comme l'ont fait mes prédécesseurs, il déclarait en outre par une bulle secrète, Bulla Salvatoria, que, ne pouvant, à cause des souffrances de la maladie, examiner et peser toutes choses avec un soin suffisant, il rétractait par avance dans les concessions faites comme de force aux princes allemands pour le bien de l'Église tout ce qui pouvait être contraire à la doctrine des saints-pères ou préjudiciable au siège romain. 15 jours après, il était mort. 23 février 1447. Son successeur, Thomas de Sarzano, devenu pape sous le nom de Nicolas V, 1447-1455, continua avec les princes allemands les négociations auxquelles il avait déjà pris part comme légat. La diète d'Aschaffenbourg, juillet 1447, le reconnut comme pape légitime et élabora avec lui un nouveau concordat qui fut signé à Vienne le 17 février 1448. Par ce concordat, Nicolas V confirmait en principe les concessions d'Eugène IV sous les mêmes clauses restrictives, mais obtenait deux atténuations. D'abord, il conservait le droit de nommer directement les titulaires de certains bénéfices, à savoir les bénéfices vacants apud sedem apostolicam, selon les décrets de Clément IV et Benoît XII, les bénéfices ordinaires des églises cathédrales et collégiales, vacants, dans les mois de nombre impair, les évêchés et les abbayes exemptes lorsque le titulaire n'aura pas été élu canoniquement. Ensuite, les annates supprimées étaient remplacées, au grand déplaisir du clergé allemand, par une taxe correspondante sur les églises cathédrales, les monastères d'hommes et tous les bénéfices à la nomination du pape, dont le revenu atteindrait 24 florins. À la suite du concordat de Vienne, dont les décrets de Bâle formaient encore la base, mais qui donnait au pape une part notablement plus grande dans la collation des bénéfices, Frédéric III chassa de la ville qu'ils occupaient les derniers Bâlois, qui se retirèrent à Lausanne. 1448. L'année suivante, grâce à l'intervention de la France, l'antipape Félix V, qui n'avait plus qu'un nombre infime de partisans, abdiqua, en se réservant les honneurs du cardinalat et quelques adhérents qui restaient encore au concile de Bâle, lui choisir comme successeur Nicolas V lui-même. 1449. C'était une matière détournée de sortir du schisme. Ainsi se termina, misérablement et d'une façon stérile, un concile accueilli à ses débuts par tant d'espérance. Nicolas V, qui avait eu la consolation de voir la fin du schisme d'Occident et du schisme grec, eut la douleur de voir, peu de temps avant sa mort, Constantinople, à peine reconquise à l'unité, tombée au pouvoir des infidèles. Ses premiers successeurs, Calixte III, 1455-1458, Eunas Silvius, devenu pape sous le nom de Pie II, 1458-1464, Paul II, 1464-1471, s'épuisèrent en vains efforts pour susciter une croisade contre les Turcs et oublièrent, dans leurs préoccupations pour l'Église d'Orient, la réforme de l'Église d'Occident. Avec Sixte IV, 1471-1484, commence pour la papauté une époque d'humiliation qui ne prendra fin qu'à la réunion du Concile de Trente. Pendant un demi-siècle, les papes de la décadence, souvent sans mœurs, ne sont occupés qu'à pourvoir leurs familles, à agrandir leurs états, ou à se mêler aux intrigues des petites cours italiennes. Les intérêts de la chrétienté les laissent indifférents. Ils semblent abandonner le gouvernement spirituel du monde pour se renfermer dans leur royauté temporelle. Le prince italien domine en eux le souverain pontife. Avec de pareils papes, il ne pouvait être question de réforme, et cependant, de jour en jour, elle devenait plus urgente. Pour n'avoir pas su la faire au XVe siècle, on allait avoir au siècle suivant une révolution dont les esprits clairvoyants pouvaient déjà apercevoir les symptômes. Lorsqu'Innocent VIII succéda à Sixte IV, Luther était né. 1483. Fin de la section 28.